Je voulais juste dire, par rapport à ce qui avait été dit sur le fait d'aller en manif, je pense que les manifs, c'est très bien d'y aller, mais pas forcément d'aller dans les manifs syndicales à Mont-Saint-Aignan. Là, on est à les manifs syndicales à Rouen, où genre on est encadré par des syndicats, dans un centre-ville où tout le monde s'en branle de notre manif, et où au final, on va juste se faire gazer. Je pense que là, on est juste à côté de Canteleu, on est juste à côté de Desville. Ce serait mieux de partir peut-être du campus directement et d'aller dans ces coins-là où il n'y a pas de flics, où il y a plein d'usines, il y a plein de chantiers, on pourrait foutre un gros bordel, passer dans les CTU. Juste pour dire, l'an dernier, du coup, j'étais pas étudiant, j'étais salarié, il y avait les gilets jaunes, et ça avait été ça, en gros, les gens se rassemblaient un peu là où ils se mobilisaient, et ils partaient direct de là, et ça marchait super bien. Moi, dans mon atelier, c'était... pas très loin, enfin tout le monde passait par le rond-point des Mottes où il y avait les gilets jaunes, tout le monde était pour les gilets jaunes dans l'atelier, tout le monde se mobilisait le samedi parce que tout le monde les voyait tous les jours, enfin c'était sur les lieux de vie. Là on va manifester avec des syndiqués qui passent, enfin qui ont l'air assez ringards aux yeux de la population, dans des centres-villes complètement aseptisés, et où, au final on n'a aucune chance de déborder les flics, donc au final on fait des petites randonnées en centre-ville alors qu'on pourrait faire bien mieux. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire.